réveiller Montmartre. Oh ma frangine, oh mon quartier. Oyez, oyez, oyez, oyez Montmartre. Voilà que ton blues est né. Les gênés, les paumés, les frustrés, les passants, les passantes. Ils ont souffert, ils ne sont plus. Tes moulins, tes pavés, tes bistrots, tes curés, tes amants, et tes amantes. Et toi aimé, mais toi tu n'es plus. Et mon marbre, ma pente douce, ma fleur de pavé. Oyez, oyez, oyez, oyez mon marbre. Où est la mémoire de ton secret? C'est le dégoût du mensonge, une réponse du miroir. Les branchés, les bourgeois, le showbiz, son argent et sa dialante. Ton corrompu, alors tu n'existes plus. Les voyeurs, convoyeurs, authentiques, atypiques, artisans, la décadence. Ils t'ont violé, alors toi, tu n'es plus. Voyez. Oyez, oyez, oyez mon marbre. On sent du peuple m'a révolté. Oyez, oyez, oyez, oyez mon marbre. Les écouter nous fait chialer. Les fêtards, les salards, les soifards, les soulards, les enfants de la potence, ils ont souffert et ils ne sont plus. Les poulbeaux, les chanteurs, les lilas, les rêveurs, les raisins de nos vendanges, ils l'ont bu et tout ça n'est plus. Oyez, oyez, oyez, oyez mon mal. Oyez, oyez, oyez mon matre. Voilà que ton blues est né. C'est le dégoût du mensonge, c'est la réponse du miroir. C'est ma tête à l'envers, prisonnier de ton histoire. Oyez, oyez, oyez, oyez mon matre. Oh mon village, oh mon quartier. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah mon mari.